Ce genre de vie. Fuegolando. Fuego, fuego, fuego, fuego. What are we, what I know. Tu t'attendais à quoi? Je suis rentré dans le club, la lumière s'est allumée. J'ai demandé la table la plus éloignée. Elle est venue me voir, genre on peut discuter. Te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Je vais te gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Je vais te gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je rassure, je ne recherche pas tes qualités. Je suis sapé tout en jean, Richard Valentine. Ça joue connaisseur avec une petite paire de team. Mon ami sur le côté, qui me demande s'il y a des filles. Je lui réponds, t'as pas compris, tu marches avec le Wallawi. C'est trop facile, ne bouge plus, reste assis. Quand j'envoie, c'est pour de vrai, ça s'entend dans toute la ville. Des gens mal intentionnés et quelques meufs à la vue. Aujourd'hui, ma chambre d'hôtel devient la maison Batatus. Chute, c'est pas ta flûte. Si t'insistes, monte dans la suite. Je vais te gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Je la ramène voir un film pour qu'elle passe pas de cinéma. Elle dit qu'elle s'appelle et qu'elle habite en Seine-et-Marne. Elle veut la jouer fine, elle me demande si je viens de Kin. Ma chérie, je parle pas beaucoup, c'est bien pour ça que j'écris un livre. J'ai choisi cette fille, c'est le fuego toute la nuit. Tu ne me reverras plus, ma voiture roule très très vite. Je m'arrête au feu, je me décris en deux-deux. J'ai la même couleur que la carte bleue. Je vais te gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Tout ce qui se passe ici, ça reste ici. Dans ton téléphone, on va tout effacer. Tout ce qui se passe ici, ça reste ici. Dans ton téléphone, on va tout effacer. J'ai dit tout ce qui se passe ici, ça reste ici. Dans ton téléphone, on va tout effacer. Tout ce qui se passe ici, ça reste ici. Dans ton téléphone, on va tout effacer. Je vais te gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré. Je te rassure, je ne recherche pas tes qualités. Gunshot, gunshot, gunshot. Everyday, gunshot, gunshot. Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot. Oui, je suis calibré.